Une fois par mois, de 17h à 18h, calez votre transistor sur Fadjet 94,2 en modulation de fréquence pour écouter un coup d'œil dans le rétro. Bonjour à tous, vous êtes sur Fadjet, sur le 94.2. Bienvenue dans notre émission Un coup d'œil dans le rétro, les 17h. Bon début de week-end à ceux qui l'ont à cette heure-ci. Nous sommes le vendredi 21 septembre. Un coup d'œil dans le rétro, c'est une fois par mois et c'est la rentrée ce soir. Nous décryptons toute l'actualité du rétro qui fait son grand retour depuis plusieurs années. On vous informe sur les tendances musicales, la mode, la déco, mais aussi les loisirs et les sorties au niveau local et national. Alors, en somme, une émission vous parle du passé au présent. L'équipe, alors l'équipe de ce soir, et j'allais dire majoritairement féminine, mais c'est vrai, il faut le dire. Il y a Anaïk qui est toujours là depuis 4 ans. Ah, excuse-moi, micro, c'est bon. Je suis là. Ça va ? Oui, ça va bien. J'ai passé de bonnes vacances. Oui, j'ai passé des bonnes vacances ensoleillées dans le sud. C'était bien. Il y a aussi Laura. Bonjour. Et pour une fois, Laura et Adrien sont là ce soir. Eh oui, bonjour. La famille. Ils emploient une personne étrangère dans Non. Adrien avec sa belle voix rauque aussi. Merci. Et nous recevons, pour la première, pour cette rentrée, nous recevons Glorieuse. Bonsoir. Voilà. Bonsoir. On peut dire bonsoir. Et le deuxième ? Bonsoir. Voilà, c'est bien. Léon qui est déjà venu et Isabelle aussi, qui représente finalement le collectif Glorieux, c'est ça ? C'est ça, tout à fait. On va en parler d'ici. 2/10. 2/10. Ah oui. C'est énorme. On va en parler d'ici quelques instants. Tiens, Anaïk, qu'est-ce que tu peux nous présenter le programme du jour ? Oui, alors au programme de cette rentrée, donc nous allons parler avec toi d'abord aussi, du 21 septembre, mais des autres 21 septembre en fait. Exactement. On va parler mode avec la chemise à carreaux que vous allez voir partout, pour l'automne-hiver 2019. Adrien, je crois que tu vas nous parler. Moustache. Oui, c'est ça. Bon, voilà. Ouais. Tout un programme. Oui. Et puis Laura, elle va revenir sur un jeu un peu légendaire de récré. Voilà. Ouais. J'en dis pas plus, ça sera dit plus rien. Voilà, ouais, je pense qu'on aura pas mal de choses à dire là-dessus. Et puis bien sûr, on finit toujours par les sorties qu'il y a à faire dans le coin. Voilà. Et on disait que nos invités du jour aussi, Glorieuse, j'ai toujours envie de dire les Glorieuses, je sais pas pourquoi. On vous fait pas ça ? Ou je suis le seul ? Alors, ça arrive. Alors, du haut de nos 3 semaines d'ouverture, ça arrive parfois, mais c'est sans doute lié à la référence aux 30 Glorieuses. Exactement. Les Glorieuses, exactement. Les 30 Glorieuses. Voilà. Effectivement, Isabelle. Alors, on va commencer tout de suite par ma petite chronique, n'est-ce pas ? Oui, allez. Alors moi c'est une sorte d'éphéméride, je ne sais pas si vous connaissez l'éphéméride, en règle générale c'est chaque jour, on donne les prénoms. Il faut savoir que tous les jours c'est des prénoms complètement incompréhensibles, c'est-à-dire que c'est des gens, je n'ai pas cherché justement le prénom de la fête d'aujourd'hui, mais à chaque fois c'est des prénoms qui ne sont donnés à personne. Hein. Donc il faut le savoir, vous regarderez d'ailleurs sur le site l'éphéméride. Mais moi je vais faire un petit zoom sur ce qui s'est passé un certain 21 septembre. Alors, on est dans le domaine catastrophique pour la première nouvelle, c'est sur la rentrée 2018-2019, mais là ça s'est passé en 2001, c'était l'usine AZF de Toulouse, je sais pas si vous en rappelez, qui a été détruite suite à une explosion d'un stock de nitrate d'ammonium, 31 personnes quand même ont perdu la vie, et malheureusement ça a été un peu éclipsé par le 11 septembre, c'était plus de 2500 personnes qui ont été blessées, de nombreux dégâts matériels, et il faut savoir qu'il y a eu un cratère de créé de 70 mètres par 40 et profond de 6 mètres, donc c'est quand même assez énorme, sur le site AZF. Dans un autre ordre d'idée, on va être un peu plus vers la gaieté. En 1961, à l'Olympia, il y a une personne qui a fait son premier concert à guichet fermé. Qui ? Un homme, une femme ? 18 ans. Ça va réduire le champ d'action, francophone. En 1961. 18 ans ? Dalida. C'est un homme ? Il est mort en décembre dernier. Ah bah c'est Johnny. Et bien sûr. Ah. Voilà, il avait fait sale comble pour son premier concert à l'Olympia à 18 ans. Hein. Donc c'est quand même une carrière assez extraordinaire. Et je pense qu'il n'a jamais fait une salle vide, par exemple, de toute sa carrière, Johnny. Même s'il y a eu des descentes un petit peu. Dans un autre ordre d'idée, tout le monde, mais alors sans nul, tout le monde connaît ça. Ah. Alors pareil, hein, moi j'aime bien fêter les anniversaires des morts. Et donc, c'est gay, on se fout d'œil dans le rétro. Il faut le savoir. C'était Larry Hagman, hein, vous vous en souvenez, oui. Qui est l'acteur, réalisateur et producteur américain, donc qui était né le 21 septembre 1931 à Fort Worth et mort le 23 novembre 2012 à Dallas, dans le même état. D'ailleurs, il y avait quand même une petite malédiction sur les acteurs et surtout aussi sur lui pour avoir connu la gloire. Les acteurs de la version originelle ont tous dû faire face à des situations dramatiques, comme si une mauvaise fée s'était penchée sur chacun d'entre eux dès lors qu'ils avaient accepté d'incarner ces personnages, notamment au niveau de la bouteille. On n'hésitait pas à taper dedans. Les téléspectateurs se souviennent encore de cette bouteille carafe en cristal. Alors imaginez-vous, replongez-vous dans ces années-là, en cristal, pleine de whisky ambre, située sous le portrait de Jack Ewing dans le ranch de South Fork, vers laquelle J.R. avait l'habitude de se tourner dès qu'il se trouvait dans l'embarras. Donc Larry Hagman, l'acteur au Stetson, et a longtemps rejoué la scène tout seul, hein, chez lui. Donc il était pas mal porté sur la bouteille. Il a aussi vécu une dépression assez sympathique en 86. Bobby Ewing aussi, qui était Patrick Duffy. Et donc vous pouvez voir aussi sur internet. Alors c'est vraiment violent quand même, parce qu'on voit. Il y avait une blonde aussi, une actrice qui picolait. Ouais, bah c'est Swellen. Non, il y avait une autre blonde. Ouais. Permanente assez extraordinaire. Donc ils ont vécu tous des moments assez difficiles. Et d'ailleurs, un truc qui est passé complètement inaperçu, c'est qu'il y a eu un remake. Enfin, c'est comme ça. Donc qui est sorti à partir de 2000, quand je dis pas de bêtises, 2017. Bon, bah ça ne marche pas. Oui, non. Du tout. On n'a pas trop entendu parler. Ça ne marche absolument pas. Donc Dallas, il faut savoir qu'il y a une version qui est sortie aussi. Et qui ne fonctionne absolument pas. Dans un autre ordre d'idée, il y a beaucoup de journées internationales, hein. Par exemple, aujourd'hui, il y a beaucoup de journées internationales de telle ou telle chose. Mais une en particulier, c'est la journée, je trouvais sympa de la dire à l'antenne, c'est la journée internationale de la paix aujourd'hui. D'accord. Donc, à 21 septembre. Et donc, je trouvais sympathique d'écouter un petit Louis Armstrong avec What a Wonderful World. Tout le monde connaît en français, ça veut dire quoi? Quel monde merveilleux. Oui. Merci. Je sens qu'on a tous fait Langue Vivante 1 au collège. Et c'est une chanson de Bob, alors Till Lutiel et George Davis Weiss, qui a été enregistrée pour la première fois par Louis Armstrong et est sortie sous forme de single au début de l'automne 1967. Et elle a fait l'objet de nombreuses reprises. Donc on va l'écouter un petit peu en attendant de poursuivre cette émission. Il est 17h07. Minutes, les amis, n'hésitez pas à aller voir sur les réseaux sociaux, vous verrez nos beaux visages bien blancs. Et on est ensemble jusque 18h. Bon début de week-end à ceux qui en profitent déjà. The bright, blessed day, the dark, sacred night, and I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They're really saying, I love you. I hear babies cry. Chris Armstrong, what? A wonderful world, so fat. I watch them grow. They're like much more than I. Un coup d'œil dans le rétro, une fois par mois de 17h à 18h sur Fadjet 94,2 en modulation de fréquence. Alors, on va pouvoir disséquer, découper, décapiter nos invités du jour. Ils sont chacun venus respectivement. J'étais en train de me poser la question d'Isabelle. Elle est venue il y a combien de temps? Isabelle, je pense qu'elle est venue dans les premières émissions. Je crois qu'elle est venue quasiment dans les premières émissions, Isabelle. À ce moment-là, c'était une demi-heure, je crois. On faisait l'émission d'une demi-heure, il me semble. Alors, Isabelle, c'est V comme Vintage. C'est ça. Et je crois que c'est en 2014 ou 2015, je reprenais le. On a continué encore. Ça fait 4 saisons. Et Léon Labrocante, c'est plus récent. Oui, je suis passé il n'y a pas très longtemps. Il n'y a pas très très longtemps. En juin, je crois. En juin. En juin. Ouais. Donc, vous faites partie de ce collectif de 10 artisans, on les appelle comme ça, de 10... 10 auto-entrepreneurs. 10 auto-entrepreneurs, et chacun avec ses, sa discipline respective. Sa spécificité. D'accord. Alors, si on voulait en parler un petit peu, Anaïk. Alors oui, donc bah, Glorieuse, donc c'est un peu une aventure collective, donc qui vous réunit. Voilà, vous êtes plusieurs brocanteurs aussi, c'est ça. Mm-hmm. Donc dans un même lieu, c'est ça. C'est ça. Voilà, donc ça a ouvert il y a peu de temps, il y a environ trois semaines. Et donc c'est un lieu où on peut chiner du mobilier, on peut trouver des objets, des vinyles, des fripes, enfin plein de choses. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu la naissance de Glorieuse? L'histoire. Comment vous êtes trouvés? Comment est né le projet? Mettez du romantisme. Voilà. Faites-nous rêver. Là, il y a la caméra. Envie de venir. Il y a la caméra. Embrassez la caméra, je vous dis. On a commencé par se retrouver en début d'année, en janvier, dans un premier lieu qui nous a permis de pouvoir voir qui on était, de travailler ensemble et de voir comment chacun travaillait. Et de voir aussi un petit peu la spécificité de chacun et de voir qu'on était plutôt complémentaires. Ce qui nous a permis du coup de monter sur un nouveau bâtiment avec des projets. On a passé toutes ces étapes, fait les travaux et puis maintenant nous voilà installés. D'accord, et du coup, alors tu disais, donc vous êtes 10, c'est ça, et tu dis, vous avez un peu chacun une spécialité, entre guillemets, c'est-à-dire, en fait, il y en a plus qui sont tournés vers du mobilier, d'autres plus, enfin... Alors, pas forcément, on est à peu près, enfin pas tous, mais une majorité à s'intéresser au mobilier, à la déco, mais aussi aux fripes, etc. Mais après, on a tous nos univers particuliers, même si on s'intéresse beaucoup... Alors, au XXe siècle en général, pour beaucoup après-guerre, voilà. D'où le nom ça, aussi, ouais. mais pas seulement, on pourra y revenir. Mais on a nos univers particuliers, vraiment dans les ambiances qu'on arrive à créer, qui sont représentatives un peu de ce qu'on est, de ce qu'on aime, de ce qu'on chine, de la manière dont on va les agencer. Si je parle pour toi, par exemple, Léon, toi, tu vas avoir plus de peinture, avoir plus de litho, avoir des objets plus hétérogènes, hétéroclites et... De litho. C'est lithographie. Ah voilà, c'est ça. Voilà. Et du coup, ça donne une ambiance, un univers qui va être très différent de celui de la pagaille de Lulu, par exemple, qui va être plus bohème, plus rotin, plus sur des petits objets de déco. Et voilà, ça donne vraiment des thèmes très variés. Et du coup, donc, dans l'espace que vous avez, toutes vos spécialités entre guillemets sont mélangées, ou vous avez il y a plusieurs espaces qui correspondent, voilà, à ce que tu viens de décrire. Comment ça se présente en fait? On a tous un petit peu chacun notre espace, ouais, avec nos articles, mmh, et à côté de ça on essaye aussi un petit peu de se coordonner et de mettre en valeur les objets d'une certaine époque tous ensemble. D'accord, ok. Ouais, c'était important pour nous de quand on arrive dans le lieu, de se dire il y a une unité globale, il y a de l'espace, et en même temps de pouvoir identifier chaque vendeur, je dirais, ou chaque marque, entre guillemets, parce que pour certains, on fonctionne depuis plusieurs années, donc on a notre clientèle, donc c'est pas mal de pouvoir se faire identifier, mais en même temps, que tout soit ouvert et qu'on puisse circuler librement, à la fois au niveau du regard et puis au niveau du mouvement. D'accord. Alors, si on citait aussi un petit peu tous ceux qui font partie de ce collectif, alors j'ai peut-être en oublié parce que tu les as pas tous mis, donc V comme Vintage, bien sûr, Léon de la Brocante, la Pagaille de Lulu. Oui. Broken Vintage. Oui. Qui vient de vous rejoindre il y a peu, non? Non. Il y a un disquaire qui vous a rejoint. Voilà, c'est lui. C'est lui en fait. C'est notre disquaire, c'est Gilles. Chine du Jour. Oui, Chine du Jour et Œil du Jour, ils sont plus sur des pièces design, on va dire. Voilà, des pièces signées beaucoup. Et ils sont. Ils existent depuis quelques temps aussi. Et à qui d'autre? Alors, j'ai plus les. Moi, j'avais vu, et je crois que tu nous avais parlé, Léon, quand tu étais venu, un monsieur en fait qui récupère des vieilles télés, je crois. Titi, oui. Oui, c'est ça. Ah oui, j'ai vu aussi me poster sur la page. C'est comment, du coup, son nom? Enfin, c'est TVC. Voilà. TVC Vintage Création. Et donc lui, c'est parce que je trouve, enfin tu nous avais expliqué, j'avais trouvé ça, lui donc il récupère sa spécialité, oui, c'est de récupérer des vieilles télés entre les années 50 à 60, ouais, avec des gabarits différents chacune d'entre elles, et de retransformer tout l'intérieur pour la mettre au goût du jour. C'est génial. Ouais. Ouais, c'est trop bien. Et c'est tous des locaux? Sont, oui, tous des locaux. Oui, oui, c'est incroyable, oui, finalement. Tous c'est aujourd'hui, c'est plus de 10 structures comme ça. si on prend, on repart juste 3, 4 ans ou 5 ans auparavant, est-ce qu'il y avait autant ce monde, sur autant d'engouement pour le vintage? Et parce qu'on est passionné, je pense que vous l'êtes de toute façon, passionné à 100%, c'est pas, hein, on n'est pas, il y a pas, c'est pas intermédiaire. Donc c'est assez incroyable aussi quand même ce phénomène-là. Oui, oui, oui. Et puis il faut se dire aussi que là, on est une dizaine, mais on regroupe pas tous les passionnés et tous les professionnels du vintage et de la brocante et de la Chine de l'agglomération de Nancy. Hein. Il y a d'autres, on est plus nombreux que ça encore. Bah oui. Et effectivement, il y a un gros, gros engouement là depuis 2 ans, 3 ans. Donc on est de plus en plus nombreux. Et puis c'est très bien. On a donné l'adresse? Non. On n'a pas donné l'adresse, ouais. Ça se trouve où du coup alors, Glorieuse? Au 18 rue du Pont César. Où est ce Pont César là? Moi je suis en train de réfléchir. Le quartier des Deux Rives. Il n'y a pas de pont. Des Deux Rives. Ah, il n'y a pas de pont. Ah, je répète, il n'y a pas de pont. C'est une feinte. C'est une feinte, hein, d'accord. Eh bien écoutez, on va en reparler d'ici quelques instants. Mais alors déjà, allez voir, n'hésitez pas, donc nos auditeurs, cette fin d'après-midi, d'aller sur la page Facebook, Glorieuse. Oui, qui recense pour le coup tout le monde. Oui. Et des petites nouveautés. Il y aura des événements prévus, des choses pour attirer le chaland, comme on dit. Oui. Oui, oui. Alors, oui. Non, mais, bien sûr. Vous êtes en ébullition en permanence de tas de choses, mais là, déjà, peut-être de s'installer correctement et que les gens viennent. Voilà. C'est un peu l'objectif principal dans un premier temps. Ouais, c'était un peu l'idée de ne pas tout de suite lancer des événements festifs, ouais, ni l'inauguration tout de suite. On voulait ouvrir, d'accord, se poser, tester, s'installer, se rôder un petit peu, voir, voilà, fonctionner, hein, déjà. Et puis, on aura des ateliers, on aura des after-work. Des ateliers. Comme on dit. C'est-à-dire de déco, customisation. Ben, voilà. L'exemple là qui va venir bientôt, c'est à la fin du mois, on a Microdomus, hein, qui est un des 10 partenaires, qui va donner un atelier où on va pouvoir venir et repartir avec un petit terrarium, donc un récipient en verre avec dedans des végétaux qui vont vivre leur vie tout seuls. Donc c'est vraiment pas qu'un lieu de vente, c'est une maison avec, ouais, des tas de choses, il y a de la pédagogie, il y a plein de choses qui viennent s'y mêler, quoi. Bah, c'est un espace de création aussi. Oui, c'est ça. Voilà. Et puis ce que tu dis, c'est vraiment important parce que c'est vraiment une des lignes de fond du lieu, c'est que c'est un lieu, ouais, dans lequel on peut chiner, on peut acheter des choses effectivement, mais on a aussi l'envie vraiment que les gens s'y sentent bien, aient envie d'y rester, aient envie de s'y donner rendez-vous. On a un bar où on pourra boire des cafés, enfin, alors que du soft, hein, mais voilà, on pourra s'installer, boire un coup, et puis avec des événements réguliers, des ateliers où on pourra transmettre aussi notre passion et partager avec les gens. Donc interdiction aux pressés, aux personnes qui sont toujours dans le speed, faut venir calmement, se poser, regarder et prendre la température et l'ambiance du lieu. C'est un peu ça. C'est un peu ça. Hein, on est souvent dans la surconsommation. Aujourd'hui, on fait nos courses très rapidement, on veut tel endroit, telle chose. Et là, c'est pas le cas. Et c'est vraiment l'idée, c'est de s'inspirer du lieu. On va en parler encore d'ici quelques instants. C'est la proposition de quelqu'un, Naïk? Jerry Lee Lewis? Oui, c'est la mienne, c'est ma proposition. Ok, Red Balls of Fire. Tout le monde connaît ce titre. Il est 17h17. Eh bien, danser tout simplement. This gracious great balls of fire. I let it love all I thought of this morning. You came along and moved now, honey. I've changed my mind. This world is fine. And it raises just great balls of fire. Kisses the baby. Feels good. Hold me, baby. Well, I'm off to love you like I love the shoe. You're fine. So kind. Tell this world that you're mine, mine, mine, mine. That you're my nails and I twiddle my thumb. I'm real on earth, but it's no way it's fun. Come on, baby. It drives me crazy. And it's just great balls of fire. You're fine, so kind. Got to tell this world that you're mine, mine, mine, mine. That you're my nails and I twiddle on my thumb. Real nervous, somebody show him fun. Come on, baby, drive me crazy. But in this great, it's just great balls of fire. Jerry Lee Lewis. Un coup d'œil dans le rétro, une fois par mois de 17h à 18h sur Fadjet 94,2 en modulation de fréquence. Alors on va continuer un peu notre émission et moi, ça va être mon tour, j'avais envie de vous parler un petit peu mode parce que notre... D'ailleurs, j'en profite pour lui faire un petit coucou. Notre Kiki nationale qui habituellement nous parle de mode, en fait, et sur les routes. Donc elle est où déjà là? On l'embrasse bien fort. En Bolivie, non? Elle est au Costa Rica. Costa Rica. Voilà, elle se fait bouffer par les moustiques. Elle ramasse des bananes. Enfin, ça a l'air d'être génial, mais on aura certainement un compte rendu, en fait, quand oui, elle reviendra. Ça. Donc, toujours pour revenir à la mode, donc j'avais envie de vous parler de la chemise à carreaux. Voilà, je vais y arriver. Que vous allez voir un petit peu partout cet automne. Cet hiver 2019. Alors, vous allez me dire, quand on pense chemise à carreaux, on s'imagine un petit peu le bûcheron, le molos, le gros molos canadien, voilà, un peu dégoulinant de virilité. Et on le voit dans la forêt. Tu prends non, mais pour c'est toi, vrai. Vous le prenez pour vous, là, ou pas? Parce qu'on a des petits gabarits, c'est ça? Non, mais un petit gabarit, tu peux aussi avoir ta belle petite chemise à carreaux. Ou une moustache et une barbe aussi, hein, même en petit tout gabarit. Tout à fait. D'ailleurs, je trouve que nos chroniques vont assez s'enchaîner. Puis les gros molos, ils prennent de la place. Il n'y a pas de place dans les studios pour les moules. Donc pour revenir à ma chemise à carreaux, donc on pense canadien, mais il faut savoir en fait que bah, la chemise à carreaux, elle a des origines un peu celtes. Voilà. Et on ne peut pas évoquer la chemise à carreaux sans parler en fait du tartan. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais j'en avais déjà parlé. Oui, tu en avais déjà parlé. Par contre, on peut faire vraiment les impairs avec la chemise à carreaux. Hein. C'est dangereux. Ça peut être dangereux. Ah bah oui, non, mais après, voilà, je un impair, comment on appelle ça? Un fashion faux pas? Un fashion faux pas, ouais, c'est ça. Mon chéri, ça ne sera pas du tout. C'est un fashion faux pas. Donc le tartan, donc juste, voilà, je vous fais un petit rappel. Donc il s'agit en fait d'un imprimé qui est fait de bandes horizontales et verticales de différentes couleurs perpendiculaires. C'est très technique, ce que je vous dis. Donc à l'origine, on le retrouvait dans les étoffes de laine tissée que l'on appelait donc les plaids écossais. Il faut savoir qu'à l'époque, donc en Écosse, chaque motif de tartan en fait représentait une appartenance à un clan particulier. Voilà, donc c'était très réglementé. Chaque famille en fait possédait son motif unique. Donc pour la petite histoire, après la bataille de Culloden, voilà, c'est bien. Cette petite bataille pour briller en société ce week-end a eu lieu en 1746. Ah oui, c'est vrai. Donc c'était une bataille entre les clans écossais des Highlands. Des Highlands. Et de l'Angleterre. Et l'Angleterre. Donc, les autorités britanniques ont souhaité donc à l'époque éradiquer tout symbole de la culture écossaise et avaient complètement interdit en fait le port du tartan donc en 1747, puisque en fait il est devenu du coup le symbole de l'opposition à l'Angleterre. Voilà. Donc ça c'était la partie un peu historique. Après donc comment la chemise est arrivée en fait en Amérique. Donc il faut savoir que la légende veut qu'un descendant du clan écossais Mac Clusquet, voilà, a débarqué au début du 19e siècle dans le Montana. Et en fait, il aurait échangé des couvertures de tartan aux Amérindiens contre des peaux de buffle. Donc, il y avait déjà un petit troc voilà, qui se faisait. Et à la même période, donc, un autre bonhomme qui s'appelait John Rich donc, a quitté Liverpool pour s'installer en, fait, en Pennsylvanie. Et ce bonhomme, en fait, il a fondé une usine à laine. Mm-hmm. Et en 1850, donc, sous sa marque, il a proposé un modèle nommé Buffalo. Et en fait, la chemise Buffalo, c'était la fameuse chemise à carreaux rouge et noir. Je ne sais pas si vous visualisez, oui, voilà, qu'on voit tout, partout en fait. Et cette chemise, en fait, elle a connu un très très grand succès donc, aux États-Unis à l'époque. Alors, oui. Donc là, j'en étais vraiment aux prémices, voilà, au début de la chemise à carreaux. À travers les époques, donc la chemise à carreaux, bah, elle a voyagé. Donc en 1914, donc il y avait le personnage de bande dessinée qui représentait un peu le style de vie des Américains, qui s'appelait Paul Bunyan. Bunyan, merci. Donc, quand c'est comme ça, tu lances le mot puis tu fais croire à tout le monde que c'est vraiment la bonne intonation. Et tout le monde partira avec un bûcheron. Voilà, donc c'était un bûcheron. Donc on revenait en fait à l'époque bûcheron, donc qui portait cette chemise quadrillée. Il y a eu dans les années 20 donc la société de laine Pendleton, donc qui a décidé de créer aussi des chemises en laine à carreaux. Elles étaient un petit peu plus dans un esprit un peu sport. Et la chemise à carreaux, en fait, a traversé donc la Seconde Guerre mondiale. Est arrivé dans les années 60, le groupe américain célèbre, les Beach Boys. Donc ça arrive petit à petit. Eux, ils ont fait une super couverture de leur album qui s'appelait Surfer Girl avec des chemises à carreaux. Voilà. Après, il y a eu les années 70 avec la Sexy Daisy. Donc, c'était la série que vous connaissez peut-être, Chérie, fais-moi peur. Je ne sais pas si ça vous parle. Exact. Voilà, donc cette fameuse Daisy donc, était vêtue d'une fameuse chemise à carreaux. Et puis, il y a eu La Petite Maison dans la Prairie. Ah, Charles. Voilà. Oh, il est Charles, hein, quand même. C'était Charles l'exemple avec même sa belle de l'homme chemise de la famille. À carreaux. Voilà. Dans les années 80, on a eu aussi le phénomène Steve Urkel dans la série. Steve Urkel. Steve Urkel. Ouais, dans la série Une drôle de famille. Transformé après en beau gosse, des fois, sous, je sais plus. Avec une machine assez spéciale. Ça m'a fait un bond dans le temps. Ah bah, tu vois. Et puis dans les années 90, évidemment, on peut pas ne pas parler du célèbre chanteur et leader de Nirvana. Kurt Cobain aussi, qui portait la chemise à carreaux. Donc en fait, pour résumer, donc, si on remonte un peu à la naissance du tartan, on peut dire que la chemise à carreaux, elle a aujourd'hui plus de 200 ans et elle n'a pas pris une ride. Pour cette rentrée donc, mode automne-hiver 2019, la tendance, mesdames, ça va être un peu la mode Far West. Oui, je vous le dis. Ok, je sors mes Santiago. Donc Far West, un peu citadine quand même. Faut pas que ça soit le total look parce que sinon, ça passera pas. Alors nous, le Far West citadin, c'est qu'on monte le jean sous les aisselles. On met une ceinture à grosse boucle, de préférence avec un aigle. Voilà, faut que ça soit des accessoires. Donc la chemise à carreaux, les franges, tout ça. Voilà, on va être inondé et ça va être un peu en opposition avec le look hippie aussi. Pour cette année 2019. Je crois savoir que chez Fripp Show il y a une quantité astronomique de chemises à carreaux. On a du tartan et on a aussi un peu de western. Donc n'hésitez pas. Allez les voir, rappelez-voir votre adresse, tiens, pour être précis. 68 Grande Rue. Bravo. Et vous serez 54 000, non. Vous serez accueillis avec des bisous. Okay. Le titre musical que tu voulais passer juste après, c'est nécessaire ou pas? Pour commencer à nécessaire. Je sais pas, c'était une attente de quelqu'un? C'était aussi moi, c'était encore une de mes attentes. Parce que je trouve que c'est un peu triste. D'accord. Voilà, mais c'était du Renault, mais moi, comme tu parlais des Beach Boys, je m'étais dit, allez, on peut quand même être un peu les Beach Boys. Allez, les amis, il est 17h26. Vous êtes à l'écoute d'Un coup d'œil dans le rétro, bien sûr, sur Fadjet. On est ensemble jusque 18h. You'll catch him surfing at the inside, outside US. Ventura County line, inside, outside US. Santa Cruz and Trent, inside, outside US. Australia's Caribbean, inside, outside US. All over Manhattan, inside, outside US. And down Bohemian Way, inside, outside. Everybody's gone surfing USA. USA. C'est peut-être plus le temps d'aller surfer. Ou vous pouvez encore surfer sur la Moselle, c'est possible. Un coup d'œil dans le rétro, une fois par mois de 17h à 18h sur Fadjet 94,2 en modulation de fréquence. Alors bienvenue à ceux qui nous rejoignent. N'hésitez pas à aller voir notre page Facebook Fadjet Coup d'œil dans le rétro. On va relayer aussi pas mal de choses, et notamment aussi le tartran. Et aussi bien sûr nos invités du jour, glorieuses, je le rappelle, avec Isabelle. Et alors oui, parce que alors en fait il a un nom de scène aussi. Enfin voilà, tu vois, c'est Léon de la Brocante. Mais Isabelle, je vais pas l'appeler V comme Vintage, tu vois. Donc je l'appelle par son prénom, c'est compliqué tout ça. Donc c'est pas moins de eh bien de 10 passionnés, on peut dire, qui se sont rejoints au sein d'une moi j'appelle ça une maison, mais parce que c'est l'ambiance des fois qu'on veut y mettre. C'est au départ c'est un gros local, vous avez la place, il y a de la place. Oui, il y a 326 mètres carrés ouverts, voilà, au public. Mais vous y imprimez votre identité. Complètement. Non, mais tu as raison de dire que c'est une maison, une famille, ouais, parce ouais, que c'est encore une fois comme ça qu'on le voit. Et notre petit sous-titre, notre baseline, ouais, comme on dit, c'est espace de trouvailles et de création. Voilà. Et voilà, c'est l'idée que oui, on peut trouver des choses que nous on a cherché et trouvées. On peut aussi trouver des créations. On aimerait bien. On a pour l'instant deux, trois créateurs voilà, qui nous suivent, dont Chou Déco qui fait du textile, ah oui, Microdomus qui fait de la création végétale, ouais, Charles qui fabrique des amplis, des lampes avec du bois, avec ouais, plein de choses comme ça. Il va falloir vite qu'on y aille quand même, hein. C'est vrai que... Voilà. Non mais c'est vrai, on a, ça fait ça encore ouais, c'est tout frais encore, hein, on est tout genoux. Et les gens répondent là, cette heure-ci, ça vient par curiosité déjà, peut-être dans un premier temps. Oui, bien sûr. Oui, c'est ça. J'ai vu aussi que vous aviez fait... Il y a eu le livre sur la place il n'y a pas longtemps. Il n'y a pas eu aussi un shooting photo? Si, alors en fait, on a. Par rapport voilà, oui, au lieu, oui, oui, effectivement. C'est des actrices, non, qui sont venues, c'est quoi? Ouais, ouais, en fait, on a la chance d'être partenaire et ami avec Arnaud Paul, qui est photographe dont on adore le travail. Mm-hmm. Et du coup, Arnaud voilà, a eu la gentillesse de nous portraiturer. Et puis, l'idée, c'est que Glorieux, ça soit un peu. Un des QG qui peut, qu'il peut utiliser pour tirer le portrait à Pierre, Paul ou Jacques, ou à des actrices comme Élodie Bouchèze, Isilde Lebeco, qui était venue sur le livre sur la place. Ouais. Et moi, j'ai envie de savoir aussi, par exemple, là, vous êtes tous réunis dans ce lieu-là, mais vous c'est des mini showrooms, mais vous vous déplacez encore ailleurs, peut-être sur des marchés, j'en sais rien, des brocantes, chacun de votre côté aussi. Vous n'êtes pas en permanence là, tous les jours? Non, bien sûr, on a aussi fait les puces vintage de Metz. D'accord. On a fait aussi les puces de la vieille ville, qui étaient en toute logique pour pouvoir commencer à communiquer avant l'ouverture. Ouais. Et puis on a d'autres propositions sur lesquelles on réfléchit, on essaye de voir où est-ce que c'est intéressant d'être placé ou pas. Parce que je pense que vous êtes en permanence en train de chiner toujours, partout on s'est croisé. Ce que je trouve incroyable d'ailleurs à Emmaüs, qui est quand même, les gens attendent l'ouverture des portes comme ça devant, tu vois, ils sont là. C'est bien là. C'est l'impression que c'est les soldes de tous les jours. Ce jour-là en plus, c'est passé à 2 secondes d'une affaire. Ah oui, non mais c'est ça, hein, c'est fou. Hein. Tu voulais dire quelque chose, Isabelle? Oui, c'est juste pour revenir sur justement les événements ou sorties ou expos qu'on peut faire. C'est vrai que depuis qu'on s'est lancé dans l'aventure, on a pris le parti de le faire collectivement. Oui. Et du coup, toutes les actions que tu as citées, Tony, juste avant, on les a fait en collectif. Et à la fois, c'est très excitant de changer la manière de travailler. C'est-à-dire qu'on, comme on l'a dit, on était 10 indépendants, 10 à travailler tout seul. Là, on change d'échelle, on est 10 tous ensemble. Oui. Ça change tout, c'est génial en fait. Quand on fait une expo, eh ben, on a de l'énergie tout le temps parce qu'il y en a toujours un qui relance, qui a une idée nouvelle, différente. Vous êtes différente. Tous sur la même longueur d'onde. Du coup, ça a été aussi une complicité dès le départ de travailler avec des gens avec qui vous vous entendez. Hein, parce que c'est comme dans tous les mondes. Hein, en règle générale, on ne s'entend pas avec tout le monde en permanence. Donc là, vous avez pris vraiment des personnes que vous affectionniez. Ah ben oui. Nous avons tous été cooptés. C'est ça. Et ça, alors je sais pas si tu l'as dit tout à l'heure, il y a encore des possibilités de venir ou de vous contacter, ou c'est vous qui allez chercher, est-ce qu'il y a encore de la place? Alors il reste de la place, mais pour des choses un petit peu plus éphémères. D'accord. Mais du coup, j'ai vu aussi que vous proposiez aussi différents services aussi, comme des fois de la location en fait de mobilier, si on a un décor de cinéma, un événement particulier, on peut venir vous voir, on peut... Oui, ouais. C'est envisageable. Voilà. Ouais, d'accord. Oui, c'était l'idée de pouvoir être un peu à la carte en fonction des demandes, des envies de chacun. Et la location de meubles et de déco, oui, ça fait partie des choses qu'on peut faire. On l'a déjà fait sur des mariages, par exemple. Ouais. Et c'était vraiment, vraiment très, très chouette. Hein. Voilà. D'accord. Ben écoutez, on va encore en parler. Vous êtes un peu le fil rouge eh bien, de notre émission. On va eh bien, écouter la musique d'Anaïque, parce que c'est son choix. elle a parlé du tartan tout à l'heure, donc tartan, là on va en faire. Donc, c'est pas l'homme qui prend l'homme. Bah oui, c'est la mer qui prend l'homme. On espère que le vent soufflera aussi pour Glorieuse et pour tous vos projets. Donc en tout cas, j'en perds ma voix d'ailleurs. Il est 17h34, les amis. Allez, on écoute un peu de Renaud et on se retrouve juste après ça avec Adrien, avec Laura et leurs chroniques respectives. J'ai déserté les crasses qui me disaient sois prudent, la mer c'est dégueulasse. Les poissons baissent dedans. Dès que le vent soufflera, je repartira. Dès que les vents tourneront, nous nous en allerons. C'est pas l'homme qui prend la mer, c'est la mer qui prend l'homme. Moi la mer, elle m'a pris au dépourvu. Tant pis, j'ai eu si mal au cœur. Sur la mer en furie, j'ai vomi mon 4 heures et mon minuit aussi. Je me suis cogné partout, j'ai dormi dans des draps mouillés. Ça m'a coûté des sous, c'est la plaisance, c'est le pied. Dès que le vent soufflera, je repartira. Et que les vents tourneront, nous nous en allerons. C'est pas l'homme qui prend la mer, c'est la mer qui prend l'homme. Mais elle prend pas la femme qui préfère la campagne. La mienne m'attend au bord, au bout de la jetée. L'horizon est bien mort dans ses yeux délavés. Assise sur une bite d'amarrage, elle pleure. Son homme qui la quitte, la mer c'est son malheur. Dès que le vent soufflera, je repartira. Dès que les vents tourneront, nous nous en allerons. L'homme qui prend la mer, c'est la mer qui prend l'homme. Moi la mer, elle m'a pris comme on prend un taxi. Je ferai le tour du monde pour voir à chaque étape si tous les gars du monde veulent bien me lâcher la grappe. J'irai aux quatre vents, foutre un peu le boxon. Jamais les océans n'oublieront mon prénom. Dès que le vent soufflera, je repars. Et comme dirait Renaud, les amis, Bravo. Un coup d'œil dans le rétro, une fois par mois de 17h à 18h sur Fadjet 94,2 en modulation de fréquence. C'était sublime, hein, c'était Anaïk. On l'avait vu dans l'énervement un peu comme ça, c'était pas mal, c'est bien. Vous êtes à l'écoute d'un coup d'œil dans le rétro, les amis, sur Fadjet, notre émission une fois par mois le 3. Alors c'est compliqué, mais ouais. C'est le troisième vendredi de chaque mois. Vous pourrez constater qu'il y a une belle ambiance, tout le monde rigole. Vous êtes peut-être à l'aube de votre week-end, ou peut-être déjà en week-end, ou peut-être encore au boulot, mais n'hésitez pas à nous écouter. En tout cas, ça nous fait plaisir. Ta-da-da. On arrête avec lui. Hein. Alors, on va continuer d'ailleurs avec notre barbu tatoué, si beau, oui. Si beau qu'il est beau. Mon Dieu, qu'il est beau. C'est Adrien, à toi. Donc Adrien, tu vas nous parler. Tu vas nous parler de quoi, moi, je vais Adrien. Vous parler de la moustache. Eh ben oui, alors que je ne peux que t'aimer. Eh ben voilà. Je ne peux que t'aimer. Parce que du coup, bah depuis pas mal d'années maintenant, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais le port de la barbe se fait de plus en plus fréquent. Plus fréquent que la moustache. Hein, on en voit un peu partout, c'est mais bah faut pas oublier la moustache. Merci. Parce que mine de rien, ça revient un petit peu, c'est encore assez timide, mais ouais. C'est pas évident à porter. Bon, voilà, ça va pas à tout le monde. Néanmoins, oui, il existe quand même plusieurs styles de moustache. Alors, je vais vous en citer quelques-uns et peut-être que parmi elles, certaines pourront vous convenir par la suite et vous pouvez vous amuser à tester les trucs chez vous. Hein. Et bah c'est important de savoir, voilà. C'est vrai, parce qu'il y en a énormément de ça. Oui, il y en a énormément, ouais. Bon, je vais pas toutes les faire. Non, quelques-unes que tu peux. Je vais en évoquer quelques-unes, ouais. D'accord. Alors, il y a la moustache chevron. D'accord. Donc ça, c'est la classique. Rien à voir avec une chèvre, hein, non, c'est... Rien à voir. D'accord, ok. On y est... ouais. C'était la barbe qui était portée par Freddie Mercury. La moustache, ouais. Oh là là, bah, ouais, voilà. Excuse-moi, je te coupe, c'est moi qui te perds. Je suis tellement de barbe que... voilà. Donc c'était la moustache qui était portée par Freddie Mercury, Burt Reynolds, ou encore Tam Selleck. Alors, si on avait envie de la détailler physiquement parlant, elle est assez touffue, courte. Ah non, elle est touffue. Ouais. Elle est épaisse. Donc, elle part quoi. En dessous du nez quand même. Est-ce qu'elle déborde un peu en moustache garde-manger ou pas? La moustache garde-manger, c'est la moustache qui recouvre la lèvre. Arrête, on est en train de lui brûler. Tu peux régulièrement retrouver du jambon beurre. Mais, voilà, ouais, c'est un peu ça. Ouais. C'est ça. Donc, celle-ci, voilà. Donc, on la laisse vivre. C'est un peu ça. On la laisse vivre. Ouais. Okay. Elle est assez facile à entretenir du coup. D'accord, merci. On a la moustache en trait de crayon. Alors celle-ci, c'est un peu plus d'entretien du coup. Alors en trait de crayon, donc c'est une ligne fine. D'accord. Juste au-dessus de la lèvre supérieure. Ah oui. Comme dans The Artist. Jean Dujardin, ah, oui, je crois. Oui, voilà. Mais c'est pas un trait de crayon, il y a quand même. Parce que ça fait. Non, c'est un trait de. C'est vraiment du. Il y a du poil quand même. C'est des poils aussi. Ah oui, parce que c'est ça. Pas des crayons. J'ai cru que c'était ça. Voilà. Vieille pouf du sud de la France. Tu sais, des traits de crayon. Excuse-moi, je saccage ta chronique. Je suis désolé, mais tout de suite, m'imaginais ça. Non. Ça, c'était celle qui était portée dans les années 30-50. D'accord, ok. Qu'on voyait pas mal dans les films de l'époque. Qui est assez difficile si on s'est entretenu, parce que pour le coup, pour rester en permanence en trait de crayon comme ça, c'est il n'existe pas beaucoup de petites tondeuses fines pour garder comme ça en mode de trait de crayon. En général, c'est compliqué. Et puis à un poil près, il faut le savoir. Il faut avoir la pilosité qui va avec. Et puis à un poil près, tu saccages ta moustache. Ça marche plus. Ah, tu saccages ta journée du coup. Ta vie, je suis pas sorti pendant 2 mois. C'est horrible. Ensuite, il y a quoi d'autre? Ensuite, on a la moustache en guidon. Oula. Donc ça se fait pas mal dans les amateurs de rétro sur les salons. Elle est appelée comme ça en raison de sa forme reprenant le style d'un guidon de vélo forcément, pointant vers le bas puis ensuite remontant vers les joues. Donc en gros c'est comme si vous preniez une moustache que vous rebiquiez au bout. Ah c'est ça la moustache guidon. Voilà. Oui j'allais dire bikers rockers mais non c'est pas ça en fait. Non. Non parce que tu la remontes en la tordant un petit peu. Ouais avec c'est les ça. D'accord. Voilà. Avec de la cire aussi. Elle a été populaire chez les militaires. Pendant la Première Guerre mondiale. Très difficile aussi à entretenir. À l'époque en plus surtout. Je l'ai testé, moi c'est une catastrophe parce que ça poussait plus du côté gauche que du droit, ce qui fait que le poil du côté gauche ne voulait pas monter. Ouais, bah voilà. Non, Encore une fois, c'est une histoire de. Alors, j'en ai essayé une paire hein, quand même. Positif. Oui, non, mais c'est ça. On a la moustache en croc. Oula. Donc c'est très proche de la moustache en guidon. Ouais. Les points de la moustache se dressent plus encore vers le haut. En gros, Salvatore Dali. Ah ouais, voilà. Alors là, c'est chaud là. Ouais. C'est le meilleur exemple. Ouais, ouais. Là, c'est un peu excentrique, quoi. Ouais, là, c'est difficile, parce qu'en plus, elle est très grande, en général. Hein. Ouais. Salvatore Dali, lui, il pouvait se gratter le front avec, hein, tellement elle était grande. C'est ça. C'est vrai. Ensuite, on a la moustache en brosse à dents. Donc, c'est compliqué de parler de celle-ci, parce qu'en gros, elle a été popularisée par une célébrité. Et en même temps, elle a été complètement plombée par un autre mec. Non, c'est pas ça. Donc, en gros, c'est Charlie Chaplin qui l'a popularisée. Ouais. Et puis bah l'autre type qui a fait que c'est enfin, faut pas. Aujourd'hui c'est compliqué de la porter. Voilà, je vais taire son nom, mais c'est Hitler, tu peux le dire. Bah, oui. C'est lui. Et puis en plus au-delà de ça, c'est quand même pas trop beau, quoi. C'est pas très chouette. C'est très court comme ça. Alors ça c'est ce qui t'arrive pour. Hein, j'ai quand même pas l'expérience à partager avec la moustache. C'est ce qui t'arrive quand tu essayes de commencer à l'égaler. Et donc du coup tu pars d'un côté, de l'autre, d'un côté, et hop tu te retrouves avec deux trucs dégueulasses en dessous du nez. Et là, tu fais qu'est-ce que je fais? Tu prends le crayon et tu crayonnes pour faire une fausse moustache. Non, tu coupes tout, c'est horrible. Mais par contre, moi, il m'est arrivé effectivement, à un ou deux poils près, de dire bah, ça fait un trou dedans, bah, je mets du crayon noir. Voilà. Ok. Conseil beauté. Conseil beauté, je suis désolé. Hein. Je m'humilie, je m'auto-humilie. Ensuite, il y en a une. On a la moustache anglaise. Oui. Donc là, on remonte dans les années 1800. En fait, elle se différencie par ses extrémités fines et bien droites, pointant à l'horizontale. D'accord. Donc en gros. Ouais, c'est on les étire. Ah la vache, oui, alors, voilà. Pour le coup, oui. On a la moustache morse. Donc là, il faut deux grandes dents, quand même, hein, c'est important. Elle était populaire fin 19e et début 20e, elle était portée par Nietzsche. Donc c'est une grosse moustache de bâtard, quoi. Non mais si, attends, explique quand même. Elle parle comment cette moustache de morse là? Elle part complètement vers le bas. Parce que les auditeurs. Essayez de la décrire. Je viens de vous mettre différentes sortes de moustaches donc sur notre page Facebook. Mais essayez de la décrire quand même. C'est super volumineux. Limite ça te cache la moustache morse. Ah oui elle est là. Ça te cache la bouche. D'accord. Quoi limite. Hein. Bah ça fait une tête de morse. D'accord. Hein, ça fait. Ouais bah, voilà. En fait tu rajoutes des dents et ça te fait. Mais les gens ne la voient pas. On est à la radio. C'était pour toi. C'est une moustache hyper, hyper touffue. D'accord. Oui, c'est vrai. Qui pareil, truc. Pas facile à assumer quand même. Pas si. Facile à assumer, ouais, mais moi, à l'époque, c'était populaire en tout cas. D'accord. Une autre ? Les Gaulois et les Celtes la portaient d'ailleurs. Ah, ok. Donc ça, il fallait avoir chemise à carreaux. Ouais, mais chemise à carreaux. D'accord. On a la moustache impériale. Alors, pour la décrire, c'est mi-moustache, mi-barbe. En gros, la seule partie qui est dégagée, c'est le menton. Parce que c'est une ça commence comme une moustache classique et ça se prolonge sur les joues. Oh ah oui. Et c'était porté par les aristos et les cow-boys dans les années 1800. Il n'y a pas de poils au niveau du menton ? Non. Mais qu'est-ce que c'est ? Ah oui, donc c'est un fil, une barre, comme une. En fait, il faut imaginer une barre, mais on coupe au niveau du menton. Ouais. Ah ouais, d'accord, ok. C'est un. Ouais, pareil, c'est assez touffu, quoi. Et l'impérial à l'époque, mais peut-être pas trop aujourd'hui quand même. Pas trop aujourd'hui, je pense que. Non, un peu moins. Ouais. Un peu moins. Et t'en as une autre alors ? Et la dernière, ouais, alors ouais. C'est. Alors celle-là, il faut l'assumer aussi, c'est. Là, on va la moustache. Ouais, c'est la moustache en fer à cheval. D'accord. Donc là, il faut s'imaginer un bouc. Lourd à porter quand même. Hein. Et on enlève les poils sur le menton. Et c'est Hulk Hogan qui est le représentant. C'est ça, c'est ce que j'allais dire. Hulk Hogan. Ouais, qui l'apporte toujours d'ailleurs. C'est chaud à porter ça. Et ça, c'est chaud à porter. Ouais. C'est chaud. Alors, par contre, là, il y a des barbus. Il y a un seul moustachu. Est-ce que vous seriez prêt quand même ne serait-ce que peut-être pour le mois de novembre, à enlever votre barbe. Est-ce que vous en seriez capable ? Impossible. Même là, de se tailler. Vous allez chez le barbier respectivement ou vous le faites tout seul ? Non, chez le barbier. Oui. Léon, ouais, d'accord. Et moi, tout seul. Tout seul. Et tu mets de l'entretien dessus ? Il y a des huiles à barbe. Ça m'est arrivé, mais généralement. Ouais, c'est ouais. Parce que c'est. Vous n'avez pas les deux mêmes barbes tous les deux. Hein. Il y en a une qui est plus longue. Tu vois, elle est plus étouffée comme ça. Là. Donc du coup, on touche pas la barbe en novembre. Non. Moi, je m'en fous. Voilà, c'est novembre toute l'année. Voilà, avec moi, parce que du coup. Mais par contre, dès que ça pousse sur la source, je suis mal rasé. Les auditeurs ne le voient pas, mais dès que ça pousse un peu sur le côté, j'aime pas. Donc je rase proche de la peau, comme ça, et je laisse la moustache propre. D'accord. Merci. C'est mon moment de solitude. Très bien, voilà, tout le monde s'en tape. On va écouter maintenant le titre. Merci Adrien, en tout cas. Mais de rien. Et c'est vrai que quand tu tapes sur internet les moustaches, il y en a. Il y en a foison. Vraiment, ouais. Il y en a foison. Et elles n'ont pas toutes les mêmes noms. Et pourtant, des fois, tu vois, ça change. C'est-à-dire, par exemple, j'ai jamais entendu parler de la moustache en croc ou la moustache morse, tu vois. Ouais, mais elle doit certainement porter aussi différents noms, quoi. Oui. Je pense. Allez, tu avais un titre à nous proposer, Adrien. Il me semble que c'était London Calling. De qui ? Des Clash. Allez, les 17h45, les amis. Vous êtes à l'écoute de Fadjet et on est ensemble encore pour un petit quart d'heure que le temps passe vite. Boys and girls, London calling. Now don't look to us. Phony Beatlemania has bitten the dust. London calling. See, we ain't got no swing except for the rain and the crunch of things. The ice is coming, the sun's zooming in. Meltdown expected, the wheat is good in. Engines stop on him, but I have no fear, 'cause London is drowning out. The imitation zone. Forget it, brother, you can go in alone. London calling to the zombies of death. Quit holding out and draw another breath. London calling, and I don't wanna shout, but while we were talking, I saw you nodding out. London calling, see we ain't got no hide, except for that one with the yellowy eyes. The ice is coming, the sun's zooming in. Engines stop running, the wheat is going thick. A nuclear error, but I have no fear, 'cause London is drowning out. Calling, les Clash, The Clash sur Fadjet. Un coup d'œil dans le rétro, une fois par mois de 17h à 18h sur Fadjet 94,2 en modulation de fréquence. Je lance un petit peu de suspense, parce que celle qui arrive à cette heure-ci, bien maintenant, dans notre émission, va nous raviver notre enfance. Alors pour les vieux quand même, parce que pourquoi ? C'est un peu le truc. Laura, tu vas nous parler de quoi ? Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'un jeu qui était vraiment emblématique pour la génération des 90, donc, les POG. Qui ont plus de 30 ans quand même. Qui ont la trentaine. Ouais, qui ont la trentaine. Oui. Les POG ou les POGs ? Les POG, nous on disait, je ah sais bon pas. Ouais, je sais pas, j'aime bien les POG. Les POG, les POG, ouais. Ah bon, mais bah, tu as le droit de dire POG. Enfin, moi je viens des Vosges, hein, vous savez, on rajoute des. Ouais, c'était POG. C'était. Dans les Vosges, on disait les POG. C'était POG. Les POG, ça mettait 4 O. Alors, est-ce que vous vous rappelez du but du jeu ? Alors, non. Non. Bon, j'en ai ramené dans le studio, mais bon, les auditeurs pourront pas voir. On pourrait faire le petit bruit du POG quand on tape, là, tu sais. Ça, oui, c'est, ouais, on pourra le faire. Ouais. Alors, en fait, il fallait être au minimum 2 joueurs pour s'affronter. C'était un peu des battles comme ça. Donc, on faisait ça dans la cour de récré, en principe. Et en fait, il fallait miser des POG. Donc, les POG, en fait, c'était des petites rondelles en carton, comme ça, illustrées quand même. Et en fait, il fallait rassembler une pile. C'était une pile unique, donc avec les différents joueurs. Chacun mettait le même nombre de POG. On les empilait avec la face illustrée côté sol. Voilà. Et après, il fallait lancer un kini. Donc un kini, c'était la même taille qu'un POG, mais en plus épais. Donc c'était soit du plastique, soit du métal. Là, j'ai les deux exemples dans le studio. Je mettrai une photo sur la page Facebook. Et donc, en fait, il fallait lancer le kini. Et en fait, si la pile, une fois que la pile se renversait, si le POG se retournait, en fait, tu empochais le POG. Tu piquais les POG des autres. Donc c'était super cool parce que c'était un jeu où tu pouvais perdre tes POG, mais tu pouvais en récupérer des nouveaux. D'accord. Quoi. Tu peux aussi pleurer parce que c'est ça, je pense tout. Que tu pleurais, tu perdais tout le temps. Voilà, donc du coup, pour la partie historique, sachez qu'en fait, ce jeu est beaucoup plus ancien que ce qu'on ne pense. J'étais assez surprise hier en faisant les recherches. C'est qu'en fait, il aurait vu le jour dans les années 30. Et le terme POG est en fait le nom d'une marque déposée de boissons hawaïennes. Donc POG pour dire passion orange goyave. Alors c'est quoi le lien entre jus de fruits? Alors c'est ce que vous allez me dire. Voilà, ouais. Donc c'est quoi le lien? Et en fait les capsules de ces bouteilles de jus de fruits, c'était des rondelles en carton. Et les gamins s'en servaient déjà pour jouer au même jeu. D'accord. Voilà. En sachant qu'il a été repris bien plus tard et remis au goût du jour par une société qui s'appelle la World POG Federation. Donc eux ils se sont dit ouais bah ils ont flairé le truc, on va commercialiser. Et ils l'ont commercialisé à très grande échelle et ça a fait un véritable carton quoi, clairement, mais principalement dans les pays occidentaux. Et en France, on pouvait les acheter dans les bureaux de tabac, les grandes surfaces. Donc ça se présentait sous forme de petites pochettes comme ça. T'avais 5 POG dedans et un kini. D'accord. En gros. Et ce qui était vachement addictif avec ce jeu, c'est que tu pouvais les collectionner. Donc il y avait plein de séries de fêtes. Ils ont tout compris. Hein. Ouais, je suis les prix d'ailleurs, moi. Est-ce que ça coûtait cher ou pas? Je crois que ça coûtait cher. Alors j'ai pas retrouvé les prix. Figurez-vous que j'ai recherché aussi bien la fortune qu'a pu faire la société ou le prix en francs. Impossible de trouver les données. Donc bon, là-dessus, je pourrais pas vous aiguiller. En même temps, je suis en train de me dire, mais moi, c'est pas notre génération ça, hein, presque quarantenaire, hein, puisque là c'était déjà c'est passé, parce que là c'était vraiment les écoles primaires les POGs. Oui, c'est vraiment ciblé enfants des années 90, donc ouais, les trentenaires. Ok, merci, on est trop vieux. Excuse-moi, bonsoir, bonne nuit. Et en fait, tu pouvais, vu que tout le monde a flairé le coup, donc les grandes marques se sont dit, ah, il y a moyen d'en faire un truc, donc tu pouvais même avoir des POGs hein, en échange avec les points SO, chez McDo, quand t'achetais des yaourts, des chips, des gâteaux. C'est que t'es quand même bien ficelé ce truc. C'était très bien ficelé. Là, par exemple, j'en ai un sous les yeux, c'est Haribo. Enfin bref, donc c'était vraiment... T'avais aussi moyen de pas en acheter. Enfin, de faire acheter à tes parents, genre, des gâteaux alors que tu les aimais pas, mais parce que tu sais qu'il y a des POG dedans. C'est du vécu. Ouais. Et donc, il existait plein de séries autour de la mascotte Pogman. Donc, c'était un espèce de petit bonhomme des cavernes. Enfin, voilà. Ils l'ont décliné sous plein de formes. Mais sauf qu'il y a toutes les licences, les grandes licences qui se sont dit, nous aussi, on va faire des séries. Donc, tu pouvais retrouver Disney, Batman, Dragon Ball Z, Power Rangers, enfin toutes les séries, dessins animés de l'époque, quoi. Et bah, après l'époque, ils ont fini par être oubliés par les cours de récré. Donc je sais pas trop combien de temps ça a duré. Je pense que c'était vraiment axé sur les années 90. Quoi. C'est clair. Et puis c'est des boîtes des fois qui sont, tu sais, ils utilisent un maximum. Ça dure 3-4 ans, ils revendent. Voilà. Bah là, ça a duré peut-être, je sais pas, moins 5 ans. Et après, bah il y a eu les cartes Pokémon, les cartes Magic. Enfin bref, les gamins ont trouvé d'autres trucs sympas à faire. Et pour la partie anecdote, donc on peut se demander un peu qu'est-ce que les POC deviennent. Alors depuis 2001, les POC sont utilisés par des militaires de pays membres de l'OTAN en Irak et en Afghanistan comme monnaie d'échange dans les camps militaires. Alors ça m'a fait un peu rire en cherchant ça, parce que je me suis dit, hein. Alors officiellement ça s'appelle POC Gift Certificates. Oui. Donc en fait ça permet de remplacer les pièces de monnaie qui sont trop lourdes et difficiles à transporter contre des pièces en carton plus légères. Mais alors bien évidemment, eux c'est pas des POG avec des petits dinosaures. Non, ou quoi. Bah non. En fait tu peux le trouver sur internet, c'est des POG de différentes couleurs avec le montant en centimes US quoi. D'accord. Donc voilà, donc eux bon ils jouent pas aux POG mais ils peuvent échanger des trucs quoi. C'est ça. Voilà, et après il y a pas de cote à proprement parler au niveau des POG, mais ça se collectionne toujours, c'est toujours un truc, tu peux en trouver sur plein de sites de revente d'occasion, mais alors c'est du gros n'importe quoi au niveau tarif, parce que vu qu'il n'y a pas de cote, tu peux trouver genre sur eBay un lot à 5$ et puis un autre à 150, donc en fait fondamentalement il y a peut-être des gens qui les collectionnent mais on sait pas trop. Il n'y avait pas de valeur selon le motif. Non bah non, après il y en a qui mettent rare mais honnêtement ouais. Vu qu'il n'y a pas de cote instaurée officielle, voilà quoi. Après il y a eu aussi, alors ça n'a pas forcément bien marché, mais il y a eu une machine commercialisée dans les années 90 qui servait à fabriquer les POG soi-même. Donc tu avais un gabarit et tu prenais à partir de magazines tout ça. Et alors ce qui m'a fait beaucoup rire, c'est qu'il existe la publicité de cette machine. Elle est dispo sur internet, allez la voir, ça date des années 1995. Ouais. Et en fait, t'entends donc la voix du doubleur, c'est genre Doc Retour vers le futur. Alors c'est méga ringard, et c'est très très drôle, voilà. Sinon ben il y a eu donc des gens qui se sont servis des POG pour faire des créations. Donc sur la boutique Etsy, on peut trouver des POG en boucle d'oreille, en porte-clés. Enfin, il y en a qui ont essayé de les ressortir du placard et d'en faire quelque chose. Et on peut se demander maintenant, est-ce que les POG vont pouvoir faire leur retour maintenant en 2018? Il y a une société, enfin une entreprise londonienne qui s'appelle Compton Technology qui aimerait ramener les POG au goût du jour. Et alors cette fois-ci en réalité augmentée. Oula. C'est-à-dire, donc leur idée en fait c'est d'avoir accès à des POG virtuels. Donc soit les acheter en ligne sur une application, en fait c'est sur les smartphones, soit de scanner tes vieux POG que tu retrouves dans ta cave ou ton grenier et puis de les mettre sur ton application. Donc en gros c'était leur idée. Et après, une fois que tu as ton application, tu fais des battles avec d'autres joueurs. Sauf qu'ils ont fait un financement participatif et ils ont annoncé, enfin que leur souhait c'était de lancer l'application en septembre. Je n'ai pas trouvé sur. Je crois pas du tout. Voilà. Non. Mais alors, pas du tout. Si vous m'écoutez, laissez tomber. Ah, c'est ce que j'allais vous poser comme question. C'est quand même business, ils veulent toujours taper sur l'affect un peu, essayer de retourner. Bah, Pokémon l'a fait, par exemple, ça a cartonné avec Pokémon Go, mais est-ce qu'à votre avis, ça va faire un top ou un flop, ces POG virtuels? C'est compliqué de le dire, hein, mais en plus, ça va cibler quoi les faut. Ouais, c'est ça, quelle est la cible en plus? Quelle est la cible? Voilà, cible, ouais. Ben merci, voilà, merci terminé. Laura, merci pour ça. Un coup d'œil dans le rétro, une fois par mois de 17h à 18h sur Fadjet 94,2 en modulation de fréquence. Malheureusement, on ne va pas pouvoir écouter ton titre, Laurent, on l'écoutera la semaine prochaine. On s'approche tout doucement de 18h, donc on le garde pour la semaine prochaine. Pas la semaine prochaine, le mois prochain. Et le mois prochain, ça sera quand d'ailleurs? Le 19 octobre, je crois. Oui, ça doit être ça. Eh oui, t'as vu un peu. Hein. Eh bien, on va faire un petit tour du côté de l'agenda. Alors, les sorties à faire. Déjà, on va rappeler Glorieuse. Alors, on va rappeler votre adresse, les amis. Alors, Glorieuse, c'est 18 rue du Pont César à Nancy, arrêt de tram Saint-Georges, quartier de Rives. Et les horaires? 10h, 19h30 du mardi au samedi. Oui. Dimanche et lundi, 14h, 19h30. D'accord, donc super, c'est ouvert le dimanche. Voilà. Je pense que c'est vrai que c'est essentiel que ce soit ouvert le dimanche aussi. C'est tous les jours, en vrai. C'est tous les jours. Et bon, et il n'y a pas de site internet, tiens? Pas encore. Il y a page Facebook et Instagram, Glorieuse, sur les deux. Et site internet, oui, je pense qu'il y aura, mais pas dans l'immédiat. Et dans l'idée, voilà, c'est peut-être, ce sera possible d'aller acheter sur internet? Parce que vous pouvez le faire déjà respectivement, vous, à sur votre. Ouais, c'est ça. Ouais. En fait, on est plusieurs à avoir déjà un site marchand ou un Instagram. Hein, ouais. Voilà. Ça ne sert pas à grand-chose. Non, ça sera plus un site vitrine, comme on dit. D'accord. Alors, il y a des événements ce week-end, n'est-ce pas? Oui. Alors, ce soir, vous pouvez aller à la fête de la gastronomie. Et retrouver notamment le groupe Velvet Swing, donc sous le hall du marché couvert donc de Nancy, donc à partir de 18h30 et ce jusqu'à 20h30, donc ça c'est ce soir. Et si on se retrouve du côté de Strasbourg? Alors Strasbourg, donc samedi et dimanche, il y a le salon du vintage. Donc au Palais de la Musique et des Congrès, avec plus de 120 exposants, des accessoires, du mobilier, du rétro gaming, des motos, plein de choses. Tout ça sur un espace de plus de 3000 m². Il y aura des animations aussi avec des tatous, du make-up, des barbiers. Et l'entrée est à 5 euros. Et dimanche, il y a un Sherlock Holmes géant, c'est ça Nancy? Oui, donc j'avais envie d'en parler parce que je trouvais ça un peu rigolo. Donc Sherlock Holmes géant, donc à Nancy, organisé par Créanime. Donc c'est de 13h30 à 18h. Possibilité donc de jouer en duo ou en groupe, notamment jusqu'à 6. Le tarif donc c'est 15 euros par personne. La durée du jeu environ 3 heures. Les billets, vous pouvez les acheter donc à la caverne du Gobelin, donc à Nancy. Et pour plus d'informations, vous pouvez aller sur le site sherlockholmesgeant.fr, enfin, voilà, ou sur la page Facebook, il y a toutes les explications. Il y a pas mal de petites choses, notamment si le mardi 25 septembre, il y a une soirée swing et danse avec les frères Zazou à la brasserie du marché de Nancy, juste à côté du Marche de son ville, de 20h à 23h. Soirée gratuite avec orchestre de jazz pour pratiquer la danse swing. D'ailleurs, en ce moment, ça le vend en poupe. Hein. Le swing dans une ambiance New Orleans des années 20. Et le samedi 29 septembre, on les a reçus aussi. C'est l'ouverture du showroom Stibilic de 14h à 19h au 125 rue Mont-Désert à Nancy. L'occasion de découvrir ou redécouvrir le showroom avec des sélections de pièces vintage. Et Frip Show, les horaires, tout ça. Tiens, on a envie de savoir encore. Mais oui. Qu'est-ce qu'il faut? Il mange alors. Et puis ils se regardent mutuellement. Vas-y, parle, dis-le toi. Dis-le. Nous sommes ouverts du mardi au samedi de 11h à 19h. Oui. Et tous les jeudis, maintenant dans la boutique, on appelle ça les jeudis braderie. Ah. Donc, si vous voulez faire des très bonnes affaires, vous pouvez venir le jeudi. Et, en fait, on pratique un déstockage dans plus de la moitié de la boutique. Et voilà. Donc ruez-vous sur les chemises à carreaux. On est ouvert le dimanche des puces aussi. Et on est ouvert le dimanche des puces de la vieille ville. D'accord. Voilà. Plutôt pas mal, on a dit pas mal de choses, non? Ouais, c'était bien. Glorieuse, nous vous souhaitons en tout cas un bel avenir. Nous ne manquerons pas, bien évidemment, de venir vous voir, sans nul doute. Et puis les aventures aussi radiophoniques continuent. Ça sera le mois prochain en ce qui concerne un coup d'œil dans le rétro. Je ne sais pas si Adrien et Laura, vous pourrez être encore là ensemble. On va s'organiser. Voilà, vous ne mangerez pas de bonbons en permanence non plus, hein, parce que ça va punir. On va s'y faire. Bonne route à vous, en tout cas, Glorieuse. On était content de vous avoir reçu ce soir. Merci de votre invitation. Et on réécoutera cette émission. Émission podcast à partir de la semaine prochaine sur la page Facebook pour ceux qui veulent. On se retrouve, comme je le disais, le 19 octobre prochain. Les programmes continuent sur Fadjet, c'est l'autre 40 à 20h. Electrochoc, 21h et 22h, c'est party time. Allez, à bientôt et bon week-end. Ciao, ciao. Au revoir.